la Mungu. Daniel chapitre 2. Daniel sura yake ya pili. Verset 31. Mustari ya makumi tatu na moja. Jusqu'au verset 33. Kufika na mustari ya makumi tatu na tatu. Nous ouvrirons aussi dans la Genèse au chapitre 9. Tutafungula tena mwanzo sura ya 9. Verset 18. Mustari ya 18. L'alpha et l'oméga. Alpha na omega. Toi seul, tu es le premier et le dernier. Wewe peke yako ndio wa kwanza na wa mwisho. Tu es l'unique Dieu tout-puissant. Uko peke yako Mungu wa uwezo wote. Et tout ce qui respire sur la terre, yote biko na pumzika pa dunia, ainsi que dans les cieux, pamoja na kule kumbingu, respire par ton souffle, biko na pumzika kupitia pumzi yako ya buzima. Tu es très grand et très élevé. Mungu mkubwa na Mungu wa juu kabisa. Nous n'avons pas de termes pour exprimer ta grandeur. Hatuna na misemo juu ya kuonesha ukubwa wako. Que ce soit parmi les langues célestes. Wala katikati ya maulimi hapa dunia. Que ce soit parmi les langues des hommes. Ikiwa hata maulimi ya watu wala ya malaika. Parce que ta grandeur nous échappe. Wani ukubwa wako unatushindia. Nous venons humblement dans ta présence comme des simples pécheurs. Tunakuja na unyenyekevu mwepo wako sawa batenda zambi. Pour lesquels tu as accompli une œuvre d'amour. Benye bale ulitendea tendo ya mapendo. Voulant que nous soyons une partie de toi. Na ulipenda kwamba tukue sehemu yako. Tu es descendu. Ulishuka. Tu as pris notre forme. Ulichugua hali yetu. Tu as pris les corps d'humiliation. Ulichugua mwili ya kufezereshwa. Tu as accepté de souffrir notre place. Ulitikia uteswe pafazi yetu. Tu as versé ton sang pour nous. Ulimwanga damu yako juu yetu. Afin que nos âmes soient rachetées. Ili manafsi yetu ipate ukombolewa. Et nous te sommes infiniment Seigneur et reconnaissant. Na tunakushukuru sana Bwana. Pour cette œuvre que tu as accomplie pour nous. Juu ya hii kazi ulitenda juu yetu. Viens Seigneur Jésus Christ. Ukuje Bwana Yesu. Accorde-nous encore la victoire. Utupatie tena ushindi. Et que ta grâce demeure encore sur nous. Na neema yako ipate kuwa tena ndani yetu. Bénis chacun de nous d'une manière particulière. Ubariki kila mmoja namna upekee. Que ta parole nous soit révélée. Neno lako itufunuliwe. Pour éclairer notre chemin. Juu ya kuangazia njia yetu. Merci Seigneur. Asante Bwana. Bénis la parole que nous allons lire. Ubariki neno ile tutasoma. Du début à la fin soit glorifié. Mwanzo na mwisho utukuzwe. Au nom de Jésus Christ. Mujina Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amina. Daniel au chapitre 9. Au chapitre 2. Danieli sura yake ya pili. Dans son verset 31. Mustari ya makumi tatu na moja. Oh, roi, tu regardais. Oh, mufalme, ulikuwa naangalia. Et tu voyais une grande statue. Na uliona sanamu mkubwa. Cette statue était immense. Ile sanamu ilikuwa munene kabisa. Et d'une splendeur extraordinaire. Na ilikuwa na kuangala kwa mastajabu. Elle était debout devant toi. Ilikuwa nyenye kusimama mbele yako. Et son aspect était terrible. Na hali yayo ilikuwa ya kuangaisha. La tête de cette statue était d'or pur. Kichwa ya ile sanamu ilikuwa ni ya dhahabu safi. Sa poitrine et ses bras étaient en argent. Kilari yake na mikono yake ilikuwa ya son ventre feza. Et ses cuisses étaient d'airain. Tumbo yake na miguu yake ilikuwa ya shaba. Ses jambes de fer. Miguu yake ilikuwa ya chuma. Ses pieds en partie fer et en partie d'argile. Bikanyangio yake ilikuwa kipande ya chuma na kipande ya bulongo. Dans Genèse au chapitre 9. Mwanzo sura 9. Verset 18. Mustari ya 18. Le fils de Noé qui sortit de l'arche était Sem. Watoto wa Noa wale walitoka musafina walikuwa Sem. Kam et Jafet. Cam na Japhet. Cam fut le père de Canaan. Cam alikuwa ni baba wa Kanana. Ce sont là les trois fils de Noé. Awa ndio batoto tatu ya Noa. Et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Na ni uzao yao ndio yaja dunia mzima. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana Mungu aongeze baraka kusomi wa neno lake. Nous sommes en train de suivre pas à pas cet esprit qui s'était révolté contre Dieu au ciel. Tukunafuata atua kwa atua hii roho ilimtombokea Mungu kule kumbingu. Et lorsque Lucifer a été précipité sur la terre, wakati Lucifer walimtupa hapa chini pa dunia, comme il avait ses propres plans, sawa vile alikuwa na mapu yake, il est entré dans le serpent pour démolir l'œuvre de Dieu. Aliingia ndani ya nyoka juu ya kubomoa kazi ya Mungu. C'est ainsi que par le serpent il séduisit Ève. Ni muina muna kupitia nyoka alimtongoza Ève. Et Adam, par amour et par compassion à l'égard de sa femme, Adamunaye kwa mapendo na kwa buluma mbele ya bibi yake, accepta volontairement de se plonger dans la mort de sa femme. Alitikia kwa kipendaro apate kujitumbukiza mukifo ya bibi yake, mulufu ya bibi yake. Comment ces gens ont été chassés du jardin d'Eden. Tulionesha namna kani hawa watu wawili bali wafukuza mshamba la Edeni. Et après quelques temps, il y a eu Caïn et Abel qui sont des jumeaux, des faux jumeaux. Kisha muda fulani kulikuwa Kaina na Abeli bali walikuwa mapacha. Et comme Caïn venait du méchant de Lucifer, du serpent, sawa vile Caïn alitokea kwa huyu muovu shetani nyoka, il avait en lui les caractéristiques de l'ennemi de Dieu. Alikuwa na ndani yake ma tabia ya buadui wa Mungu. Inspiré par l'esprit de meurtre, mwenye kusukuma na kongoziwa na roho ya uaji, il tua son frère Abel qui était entièrement innocent. Alimuua ndugu yake Abeli ule alikuwa kabisa kabisa bila kosa. C'est ainsi qu'il fut chassé de la présence du Seigneur. Ni mwini namna walimfukuza muwepo wa Bwana. Mais s'étant éloigné de la présence de Dieu, kisha kutoka muwepo wa Mungu, dans sa méchanceté, mukaidi yake, il a engendré une race méchante. Alizala kizazi kia watu wabaya wakaidi. Une race qui n'avait aucun respect à l'égard du véritable Dieu. Kizazi kila kikuwa na heshima hata kidogo mbele ya Mungu. Nous avons montré que cette race, tulionesha kwamba hiki kizazi, s'intéresse plus aux richesses mondaines. Jo kinangaikia zaidi mali ya dunia. Elle s'intéresse plus à voir la gloire. Kinangaikia zaidi kupata utukufu. Et à dominer les autres. Na kipate kutawala watu wengine. Nous avons montré que cette race, tulionesha kwamba hii kizazi, qui était entièrement corrompu, il est quoi yeni kuharibika kabisa kabisa, parce qu'elle s'était détachée de la vie, kwani ilijitosha kubuzima, a corrompu toute la terre, iliharibisha dunia mzima. Et c'est ainsi que Dieu, envoyant la corruption, mwina muna Mungu kisha kuona uharibifu, était obligé d'exterminer cette race de la terre. Alilazimishwa apate kumaliza hii kizazi kyote pa dunia. Et le déluge qui est venu au temps de Noé, na gariga ile ilikuja wakati ya Noa, avait supprimé complètement dans la chair, iliharibu kabisa kabisa mumwili, la semence du serpent, ile mbeko ya nyoka, et les fils de Caïn, Na batoto bote bakaina. Mais après le déluge, comme nous l'avons montré, alakini kisha gariga vile tulionesha, comme l'esprit n'était pas tué par les eaux, sawa vile ro abakuiue na maji, Dieu avait seulement exterminé les hommes, Mungu aliua tu watu, les vases dans lesquels la méchanceté régnait, vyombo vile vilikuwa natawaliwa na ukaidi. Mais après le déluge, alakini kisha gariga, nous retrouvons maintenant parmi les fils de Noé, tunaona sasa katikati ya batoto ya Noa, le deuxième fils Cam, mtoto wa pili Cam, qui révèle aussi le comportement de ces méchants qui étaient de l'autre côté avant le déluge. Na yanaonesha tabia ya bale batu baovu bale walikuwa ile ngambo kabla ya gariga. Nous avons montré le comportement de Cam lorsqu'il trouva son père nu, tulionesha namna ya kutenda ya Cam, namna ya kutenda ya Cam wakati alimkuta baba yake mtupu muhema, au lieu de couvrir son père, pari ya kumufunika baba yake, et de taire la faute de son papa, na kuacha ashiseme kosa ya baba yake, mais il est sorti avec un esprit de mépris, alakini yeye alitoka na roho ya kadharau, pour raconter ce qui était arrivé à son père, juu ya kwenda kutangaza ile mambo ilimfikia baba yake, et même à parler de la nudité de son père, na kwenda kutangaza utupu ya baba yake. Mais il avait quand même les deux frères qui avaient le bon sens, alakini alikuwa na banduku yake bali alikuwa na akili nzuri, qui ne voulait pas suivre le même chemin, bali hakupendi kufuata njia yake, mais qui comprenaient qu'ils ne devaient pas voir la nudité de leur père. Ils sont entrés à reculons. Et ils ont couvert la nudité de leur père. Mais quand l'ivresse fut passée de Noé, la chose lui fut racontée. C'est ainsi que Noé maudit Cana. Noah arimulani Canana. Souvent il y a des philosophes. Kila mara kuna kwa watu wa mafikili qui enseignent et qui disent. Wenye kufundisha na kusema Cam qui fut maudit. Ule Cam ule walilani. Ce sont les noirs. Wao wanasema ya kwamba alikuwa mtu mweusi. Cette réflexion elle est entièrement fausse. Il est mafikili ya namna ile ni ya bongo. Ça n'a rien avec la réalité. Aieleke ukweli hapana. Lorsque vous prenez la Bible, mukichugua Biblia, dans la Genèse au chapitre 10, Mwanjo sura yake ya kumi, dans le verset 18, mustari ya kumi na mnane, commençons dans le verset 19, tanzie mustari ya kumi na tisa, les limites de Cananéen, mipaka ya wakananea, allèrent depuis Sidon, ilienda tangia Sidoni, de l'autre du côté de Gerar, Ungambo ya Gera, jusqu'à Gaza, kufika na kugaza, et du côté de Sodome, na kungambo ya Sodoma, de Gomor, ya Gomora, d'Adam, Adna, et de Tiboim, na ya Tiboim, jusqu'à Lesha, kufikisha na kulesha. Quand vous regardez ici dans la Bible, le verset 20 dit, ce sont là les fils de Cam, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Awa njo watoto wa Cam, kufuatana na jamaa yabo, kufuatana na lugha yabo, kufuatana na nchi yabo, kufuatana na taifa yabo. Quand vous lisez ce verset ici, mukisoma hii mstari, même les limites dans lesquelles Cana devait habiter ne se trouve pas en Afrique. Hata mami paka mule kana na ilipashi kupatikana yayo aipatikane mu Afrika pana. Quand vous allez à Gaza, ce n'est pas en Afrique. Ukienda kule ku Gaza, aina ku Afrika pana. Et quand vous allez du côté Sodome et Gomorrhe, ce n'est pas en Afrique. Ukienda ngambo ya Sodoma na Gomora haina Muafrika hapana. C'est pourquoi cette philosophie elle est fausse. Je comprends ile mawazo mafikiri ya kusema kana nani mweusi ni ya bongo. Il est vrai que les Cananéens se dispersaient sur toute la terre. Ni ya kweli wa Kananea walizambalala ulimwengu mzima. Mais ils se sont quand même concentrés à un lieu. Alakini walikala fazi moja fulani. Et pour moi, kwangu mimi, je crois que les véritables Cananéens, najua ya kwamba wa Kanana wa kweli, ah, sont les Philistins. Ni wa Filistia. Parce que c'est eux qui occupent le territoire de Cana, qui occupent Gaza, Gaza jusqu'à aujourd'hui. Kwani ni wao wanaikala mjimbo ya Gaza na leo. Et les Palestiniens sont les grands, les grands hommes qui souffrent. Na wa Palestina ni watu wenye kuteseka kabisa. Ils passent des moments très difficiles. Wao wanapitisha nyakati ya nguvu. Ils sont très pauvres. Weko wa maskini kabisa. Quand vous arrivez dans leur territoire, ukifika mujimbo labo, on ne va pas vous expliquer. Hawawezi kufasilia. Il y a une différence à l'œil nu. Achanisho utaiona kwa wazi, macho wazi. Indifference entre le territoire d'Israël. Achanisho katikati ya jimbo ya Israeli. Qui presque est un désert. Yayo tu ni jangwa. Mais qui est terriblement béni. Alakini yenye kubarikiwa kabisa. Quand vous passez du côté des Palestiniens. Ukienda ngambo ya wa Palestiniens. Même avant d'y arriver. Ata mbele ya we kufika kule. Déjà leur maison, manyumba zao, le peuple que vous croisez, wale watu takutana, nao, vous trouvez que ce sont des gens qui sont maudits. Utaona ya kwamba ni watu wenye kulaaniwa. On ne va pas t'expliquer, c'est toi qui vas commencer à te poser la question. Awezi mais ce que je vois ici, c'est toujours Israël. Ni wewe njoo utakuwa najiuliza, hawa naona eti ni watu wa Israeli. C'est pourquoi quand on entre dans leur territoire, comme à Jéricho, ukiingia mjimbo lao sawa kule ku Jericho, ils souffrent. Weko na teseka kabisa. Ils profitent de la présence des touristes pour un peu avoir l'argent. Wanafaidia tu uwepo wa watu wa kutembea ile nchi yao ndio wanapata kwa fedha. Et Israël a laissé un petit couloir pour les Palestiniens de Jéricho. Israël a rivachia konjia kidoko ya kwenda ku Jéricho. Parce qu'il y a des chrétiens. Wani kuku wa Kristo. Ah, les gens qui ne sont pas contre Israël. Batu bale wa kombanisha Israeli. Et ils appuient souvent Israël dans leur conflit avec les autres. Bo bana kombania Israël wakati kuna kwa makutano ya Israël na wa Palestina. Dieu a kuishi. Alors quand les touristes qui viennent d'ailleurs visiter Israël, wakati wageni wale wanatokea fazi mbali kwa kutembea Israeli, wanapaswa kupitia pa Jericho. Et là, on achète un peu de ceinture. Wanauza kwanza mamikaba. Ce sont des artisans. Ni wafundi wa mabitu ya mikono. On achète des valises. Na mavalise. Des sacs. Mama sakoshi. Pour leur donner un peu d'argent afin qu'ils vivent. Tukuwapatia kwa fedha kidogo wapate namna kuishi. Mais ils souffrent terriblement. Et même quand vous voyez aujourd'hui, leo, ils sont plus qu'esclaves. Weko zaidi watumwa. Si Israël n'ouvre pas une brèche pour eux, kama Israël ashivafungulie konjia, ils sont en difficulté. Beko katika magumu. Oui, bien mes frères. Unaona ntuku mpendwa. Donc cette thèse de dire que c'est les noirs qui sont maudits, c'est faux. Ile mawazo ya kusema ni weusi njo wanalaniwa ni bongo. Noé n'a pas engendré. Noa siku zale, les noirs, watu weusi, et les blancs, na wazungu, non, apana, la diversité de couleurs, achanisho ya rangi ya ngozi, est seulement liée au climat, inafatanisha tu na hali ya pale wanikala, et la plupart des juifs sont des noirs, na wayuda wa mingi, ils ont des teints noirs, ni weusi kwa ngozi, voyez bien mes frères, unaona ntuku mpendwa, cela est seulement faux, ile mawazo ni ya bongo, et aujourd'hui cela n'a aucune importance, leo hii haina na mafata kidogo, même si nous pouvons accepter que c'est comme c'est un noir, hata tukitikia kwamba kama alikuwa mweusi, si nous pouvons accepter cette philosophie, kama hatunawezi kuitikia ile mawazo. Le sang de Jésus-Christ a déjà ôté la malédiction sur toutes les races. Inesha tosha laana yule ya mataifa yote. Celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, yule anamwamini Bwana Yesu Kristo, il reçoit une bénédiction éternelle. Anapokea baraka ya milele. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu alibariki. C'est une petite parenthèse que je voulais faire. Ile ni mkato kidogo, mlango kidogo nafungula. Alors, l'esprit du méchant roho ya mtu mbaya traversa de l'autre côté du déluge par Cam, ile ngambo ya Gariga, le deuxième fils de Noé, mtoto wa pili wa Noa. Et c'est par sa descendance ni kupitia uzao wake que fut fondée la ville de Babel. Jo bali jenga muji ya Babeli. Ça, nous pouvons le lire. Tunawezi kuisoma. Dans la Genèse au chapitre 10. Mwanjo sura ya 10. À partir du verset 6. Kuanzia mstari ya 6. Jusqu'au verset 10. Kufika na mstari ya 10. Vous voyez. Munaona. Kush engendra aussi Nimrod. Celui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel. Vous voyez, Babel est une ville qui était située Nimuji dans la vallée de Shinéar. Nimuji ile ilikuwa inapatikana mubonde ya Shinéar. Surnommée ile walikuwa naita la porte de Dieu. Mulango ya Mungu. Je pense quand j'ai parlé déjà de l'église. Wakati nalikuwa nasema yule ya bizazi ya kanisa. Dans l'âge de Pergame, j'ai touché ce point. Mukizazi ya Pergamu narigusa hii. Donc, Babel était surnommée la porte de Dieu. Manake Babeli walikuwa naita mulango ya Mungu. C'est Babel. Ni Babel. Qui changea son nom? Jo ilibadilisha jina lake. En Babylone. Manaita sasa Babiloni. Parce que Babylone. Mani Babiloni. Signifie. Mana yake. La confusion. Ni mufuruko. Lorsque nous prenons dans la Genèse au chapitre 11. Tukichugua mwanjo sura 11. Au verset 1, l'Écriture dit. Mstari ya kwanza andiko inasema. La terre, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Pa dunia mzima palikuwa tu ni lugha moja na misemo moja moja. Comme ils étaient partis de l'Orient, vile walitokea ku asubuhi, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéa et y habitèrent. Walikuta kiwanza muinchi ya Shinéa na wakaketi pale. Ils se dirent l'un à l'autre, wakambiana mmoja kwa mwingine, allons, twende basi, faisons des briques, tufanye matofari, puissons-le au feu, tuichome ku moto. Et la brique leur servit de pierre. Na majiwe matofari wasaidia sawa majiwe. Et le bitume leur servit de ciment. Na bitume nayo ikasaidia sawa sima. Ils dirent encore, wakasema tena, allons, twende basi, bâtissons-nous une ville, tulijenge muji, et une tour dont le sommet touche au ciel. Na munara ile nchongo yayo itagusa mbingu. Et faisons-nous un nom, tujifanizie jina, afin que nous ne soyons pas dispersés, ili tushizambalale, sur la surface de toute la terre. Tushizambalale pa dunia mzima. Vous comprenez que ces gens ici, munaelewa ya kwamba baba batu, malgré qu'ils ont expérimenté le déluge, hata vile balionja gariga, ils ont vu ce que Dieu avait fait avec les méchants, baliona bile Mungu alifanya na baba batu babaya, qui se sont révoltés contre Dieu et qui marchaient dans d'une manière corrompue. Bale walikuwa natembea kwa pindu pindu ya Mungu. Au lieu que ces gens apprennent à craindre Dieu et à marcher dans ses voies, bali hapa batu bapate kujifunza kumwogopa Mungu na kutembea kwa njia yake. Mais dans leur cœur sans intelligence, lakini mumoyo yao bila akili, comme ils ne voulaient pas arrêter le péché et la méchanceté, bila wakupende kusimamisha zambi na ukaidi, ils se sont donné comme comme solution. Allons donc, construisons une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Pourquoi? Il se disait, même si Dieu envoyait encore le déluge, nous allons monter jusqu'au ciel. S'il veut nous tuer, et lui aussi sera tué. Na yeye atawawa. Oye, unaona. Ce sont des messages, il n'était pas intelligent. Watu wakaidi au kwenda akili. Il pensait que aliwazia kwamba si construisent. Kama wakijenga une tour très élevée jusqu'au ciel. Unara ya juu kufika na kumbe. Il peut échapper à la colère de Dieu. Ataepuka kasirani ya Mungu. C'est seulement un mensonge. Ilikuwa ni bongo mtupu. C'était seulement une inspiration satanique. Ilikuwa tu niongozi ya shetani. En réalité, katika ukweli, il ne voulait pas abandonner leur méchanceté. Hawakupende wache ukaidi. Il ne voulait pas abandonner leur vie corrompue. Hawakupende kuacha maisha yao. Néanmoins, aller au ciel et vivre dans la corruption et dans la méchanceté. Cette pensée-là se trouve dans beaucoup de gens sur cette terre. Les enfants du serpent. Vous voyez, beaucoup de gens aiment aller au ciel et vivre toutes sortes de péchés. Non, c'est faux. On ne peut pas être ainsi. C'est vrai. Ils étaient unis. Ils étaient unis pour faire leur travail. Verset 5, Dieu descendit pour voir la ville et la tour que bâtissait les fils des hommes. Mustari atano wamilela akashuka juu kuona muji na mnalo watoto wa watu walikuwa wanajenga. Hawakuwa watoto wa Mungu. Ils ont pris la résolution de bâtir une tour qui toucherait le ciel. Wale walichukua mpango wa kujenga mnara kwenda kumbingu. Fils des hommes. Lakini wao walikuwa ni watoto wa watu. Déjà entièrement inspiré par Satan. Watu wenye kongoziwa kabisa na shetani. Et l'Éternel dit. Na wamilela akasema, voici, ils forment un seul peuple. Tazama, wanafanya taifa moja tu. Et ont tous une même langue. Wote wanasema lugha moja. Et c'est là qu'ils ont entrepris. Jo kwa maana walianza. Maintenant, sasa, en d'autres termes, jo kile kinawapatia nguvu batumike ile kazi. C'est ce qui leur a donné la force de faire le travail. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Hakuna kile kitabazuiza kufanya yote ile wanatakiwa kwa mpango. Tushuke basi. Descendons. Tushuke. Et là, pale, confondons leur langue, leur langage. Tufurushe msemo yao. Afin qu'ils s'entendent plus. Ili wasisikilizane la langue les uns des autres. Wasisikilizane tena lugha wa moja kwa wengine. Ce qu'ils craignaient. Ile walikuwa naogopa. C'est ce que Dieu a accompli. Jo ile Mungu aliwatimilizia. Ce que tu crains. Ile unaogopa. C'est ce qui va t'arriver. Joile takufikia. Dans la tour, il n'y avait pas de sécurité. Munara muko ukingo. La tour et la sécurité ukingo devaient être ilipashukua dans la crainte de Dieu. Ndani ya kuogopa Mungu. Dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Ndani ya kutumikia neno la Mungu. C'est vrai. Bia kweli. Mais il n'avait pas la crainte de Dieu. Lakini bawa bakwe na boga ba Mungu. Et l'Éternel les dispersa loin de là. Wamilela kabazambaza toka pale. Sur la face de toute la terre. Akabazambaza pa ulimwengu mzima. Ils cessèrent de bâtir la ville. Na walisimamisha kujenga tena mji. C'est pourquoi ndio kwa maana l'on l'appela waliita du nom de Babel. Jina ya Babeli. Car c'est là que l'Éternel confondu le langage de toute la terre. Wani ni pale wa milele alifurusha usemeo ya l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Ni pa ile fazi wa milele alibazambaza pa dunia mzima. Voyez bien mes frères et sœurs. Naona ndugu na dada mpendwa. Maintenant, ils étaient dans la confusion. Sasa walipatikana katika mvuruko. Et Babylone. Na Babeli se retrouve dans toute la Bible. Inapatikana en Biblia mzima. Au début, kumwanjo, dans la Genèse, mwanjo mule, au milieu kati, de la Bible, katikati ya Biblia, et à la fin de la Bible. Na kumwisho ya Biblia. Le mot Babylone. Musemo Babeli wala Babiloni se retrouve dans toute la Bible. Inapatikana mu Biblia yote mzima. De la Genèse tangia mwanjo à l'Apocalypse. Kufika na kufunuo. Vous voyez, munaona Babylone fut fondée par Nimrod. Babylone bari jengaka kwa Nimrod. C'est ainsi ni muina mna que cette ville est devenue ni muina mna imuji kakuwa sasa la capitale du monde. Muji munene ya dunia mzima. Babylone Babeli wala Babyloni fut devenu ikakuwa sasa le centre du monde entier. Manake shina ya ulimwengu mzima wala centre ya ulimwengu mzima. Comment cette Babylone est devenue le centre ou la capitale du monde? Namna kani Babeli ikakuwa muji ya kuangalilia hapo ulimwengu mzima. Comment Nimrod? Namna kani Nimrod avait fait pour que cette ville soit la capitale du monde? Namna kani alifanya juu ya hii muji ipate kuwa muji mkubwa ulimwengu mzima? Nimrod était un homme très méchant. Nimrod alikuwa mtu mwa mubaya kabisa, mkaidi. Un meurtrier. Muwaji. Et un guerrier. Namu pika vita. C'est Nimrod dans sa méchanceté. Ni uyu Nimrod mukaidi yake. Il partait conquérir les contrées. Aranza il kwenda. Allait de pays en pays. Aranza kwenda. Il allait de race en race. Kutoka inchi kwenda inchi ingine. De peuple en peuple. Kutoka hii taifa kwenda mtaifa ingine. Ya kuwatawala kuwawinda. Les gens sous son pouvoir. Kutawala wale watu wote wakuwe chini ya mamlaka yake. Il était très méchant. Alikuwa mtu mbaya sana. C'est cet homme ici avec sa descendance. Ni huyu mtu na uzao yake. Qui ont commencé à faire la guerre à d'autres personnes. Jo boba kwanza kukombanisha watu wengine kuwapika vita. Pour les dominer. Juu ya kuwatawala. Pour régner sur eux. Juu ya kuwatawala kuwaongoza. Et pour dominer sur leurs biens. Na juu ya kutawala yule ya mali yabo. Ce n'était pas Nimrod. Aikukuwe Nimrod. Qui dominait, qui voulait dominer toute la terre. Ula alipenda kutawala dunia mzima. C'est Lucifer. Alakini ni Lucifer. Qui voulait dominer toute la terre. Ula alipenda kutawala dunia mzima. Sa race. Kupitia kizazi yake. C'est vrai. Ni vya kweli. Nimrod, un homme très méchant. Nimrod mutu mubaya sana. Un grand meurtrier, muwaji munene, un homme sans pitié, mutu bila buruma, un guerrier, mupika vita. C'est lui qui est même à l'origine d'entraîner les premiers militaires. Yenjo mwenye mwanzishi wa baskari ba kwanza. L'histoire raconte dit. Hadithi inasema ya kwamba. Il prenait les gens. Yeye alikuwa anachukua watu. Il les entraînait à l'endurance. Wafundisha wapate kuvumilia mateso. Pour affronter ili les autres. Wapate kukombanisha watu wengine. Vous voyez. Unaona. Et pendant que Nimrod. Wakati ile Nimrod était dans la conquête. Alikuwa mkutawala wa nchi nyingine. Son pouvoir. Juu ya kuweka utawala wake. Son autorité sur les autres peuples. Mamlaka yake aiweke yule wa mataifa mengine. C'est lui yeye, qui attaquait les autres. Juu alikuwa anakombanisha ma nchi nyingine. C'est vrai. Ndio kweli. Mais comme les autres. N'avait pas cet esprit de guerre. Dans sa méchanceté, il se permettait de tout faire. Oui, bien aimé frère. Pour vivre, qu'il domine les gens. Pour vivre, qu'il ait beaucoup d'argent. Pour vivre, qu'il ait beaucoup de richesses. Oui, bien aimé frère et soeur. Et après avoir kisha, yeye, conquis le peuple, kutawala watu, il les imposait des impôts. Arukwana wakazo wapati kumulipa kodi. C'est le premier homme dans le monde entier qui imposait aux autres les impôts. Tout le monde lui payait des impôts. Et il dominait les autres par méchanceté et par force. C'était un grand dictateur. C'est vrai. Il dominait par force. Que tu le veuilles ou pas. Mais si tu ne veux pas, il te tue. Kama utaki, anakuua. Voyez, unao. Si tu ne veux pas être tué, autaki kuuawa, tu acceptes maintenant d'être dominé. Unaitikia akutawale. Et il exercera sur vous na atakutumikisha toutes sortes de méchancetés. Na ukaidi yake yote. Et au-dessus, na yulu ya ile, il vous impose encore des taxes. Anakulazimisha mulipe c'est kodi. Ainsi que tout le monde nemuina muna watu wote lui paye des impôts. Walikuwa na mulipa kodi wala mpalata. Voyez bien mes frères. Unaona ntuku mpendwa. Voyez bien mes frères. Unaona dada. Tous les moyens pour Nimrod étaient bons pour avoir des richesses, étaient bons pour dominer les autres. Il fallait que sa pensée soit dans les autres. C'est vrai, frère. C'est un méchant. Comme nous l'avons montré dans Job au chapitre 12. Être méchant, ce n'est pas une bonne chose. Hein. Si l'Église pouvait comprendre cela, il n'y aurait pas de méchants dans l'Église. C'est vrai, frère. Nimrod, dans sa méchanceté, il dominait les gens avec mépris. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Il était un pillard. Il faisait tout pour avoir l'argent. Dans Job au chapitre 12, Yobu sura 12, au verset 5, mustari atano. Au malheur, oh, le mépris. Ole kwa mutu wakubeula. C'est la devise des errés. Injo misemo ya wanyi kwa na eri. À celui dont le pied chancelle est réservé le mépris. Kwa ule kuna mikulu ya kulekea kuna mchungiwa tu nikazarau. Il y a paix sous les tentes des pillards. Muku salama kwa wale muhema ya banyanganyaji. Sécurité pour ceux qui offensent Dieu. Kuko ukingo kwa wale wanamtukana Mungu. Pour quiconque se fait un Dieu de sa force. C'est pourquoi vous voyez Nimrod. Nimrod se faisait adorer comme un Dieu. Alifanya ba muabudu sawa Mungu. Parce que personne ne pouvait le résister. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. C'est pourquoi regardez tous les gens qui ont l'esprit de domination. Ils veulent toujours se faire adorer et n'acceptent jamais la contradiction. Regardez dans l'histoire tous les dictateurs pour dominer les autres. Pour s'enrichir, il les faisait dans la méchanceté, et il les faisait par force. Que tu le veuilles ou pas, comme lui est fort, et que toi tu es faible, tu es méprisé, tu es dominé, tu es obligé, malgré ton refus intérieur, de faire sa volonté. C'est ça les méchants. C'est ça Nimrod. Nimrod. C'est vrai, frère. Dans Job au chapitre 24. Regardez le verset 4. On repousse du méchant les indigents. On repousse du chemin. Les indigents. On force tous les malheureux du pays à se cacher. Weko na kazisha wenye kwa wanyonge wote wapate kufuchama. On force weko na kazisha tous les malheureux watu wote wenye kwa munyonge du pays à se cacher. Ya inchi ili wapate kufuchama. Quand le méchant règne, wakati mtu mbaya anatawala, tout le monde se disperse. Mtu wote watu wote wanazambalala. Tout le monde fuit. Watu wote wanakimbia. Voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendwa. Voyez bien mes sœurs. Unaona dada mpendwa. C'était des gens terribles. Walikuwa ni watu wa hatari wa ajabu. Dans Job au chapitre 24. Job sura 24. Dans le verset 14. Mstari wa 14. L'assassin s'élève au point du jour. Muwaji anasimama mchana. Sur le pauvre et l'indigent. Yule ya maskini na mtu mnyonge. Et il dérobe pendant la nuit. Na anaiba wakati ya usiku. Voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendo. Un assassin. Muwaji. C'est il est méchant. Et comme kaidi mtu mbaya. C'est ce qu'était Nimrod. Jokile kilikuwa Nimrod. Et l'argent que tout le monde lui payait, feza wala kodi ile watu wote walikuwa namlipa. Il régnait en maître absolu. Alikuwa natawala sawa mwalimu mkubwa sana. Et il faisait terreur à tout le monde. Alikuwa natetemesha kuogopesha watu wote. Dans Psaume chapitre 10. Zaburi sura 10. Le verset 2. Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Mutu mubaya muovu mu muole yake mu le méchant dans son orgueil. Ah, mutu muovu mu kiburi yake poursuit les malheureux. Et qu'on a fukuza banyonge. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Bao beko na teseka ku ile ma tendo mbaya alitunga. Car le méchant se glorifie de sa convoitise. Wani mtu muovu anajitukuza kwa ajili ya tamaa yake. Et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Na munyanganyaje kuna beula na kuchambula wanadamu. Le méchant dit avec arrogance. Mtu mbaya anasema na kiburi. Dieu ne finit pas. Ya kwamba Mungu hawezi kuapiza. Et il n'y a point de Dieu. Na Mungu ekalakeko. Voilà toutes ses pensées. Jo mawazo yake yote ile. Ce sont des pensées qui étaient. Ni mawazo lilikuwa. Dans Lucifer, dans Nimrod. Ndani ya Nimrod. Oui, bien mes frères. Dio ndugu mpendwa. Il faisait tout ce qui était à son pouvoir. Alikuwa anafanya yote ilikuwa inawezekana kwake. C'est vrai. Bien kweli. Il était méchant. Alikuwa mtu mbaya. Il avait l'argent. Alikuwa na fedha. Il était fort. Alikuwa wa nguvu. Il était envieux. Alikuwa wa matamaa. Vous voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendwa. C'est pourquoi. Jo kwa maana. Dans toute sa vie. Mu maisha yake yote mzima. Voyez. Unaona. Nimrod s'est fait adorer. Nimrod alijifanya babu wa Mungu. Et il a dominé avec méchanceté. Alitawala na ukaidi. Dans Michée au chapitre 2. Mika sura pili. Malheur. Ole. À ceux qui méditent l'iniquité. Ole wao wenye kufikili uovu. Et qui forgent le mal sur leur couche. Wenye kutunga bibaya wakati ile wanalala. Au point du jour, mchana, il exécute. Na mumuchana wanaitimiza. Quand ils ont le pouvoir en main. Wani weko na uwezo mikono yabo, mamlaka. Quand ils ont le pouvoir. Wakati weko na mamlaka. Lorsqu'il règne. Wakati yeye anatawala. Ils ont de l'autorité. Weko na mamlaka uwezo. Ils convoitent des champs. Wanatamani mashamba. Ils s'en emparent. Na wanaichugua kwa nguvu. Des maisons. Manyumba. Et ils les enlèvent. Na wanaichugua kwa nguvu. Ils portent leur violence. Wanaonesha ukali sur l'homme et sur sa maison. Yule ya mwenye nyumba sur l'homme et sur son héritage. Yule ya mwenye bitu na mali yake. Voilà les méchants. Jo vile mkaidi anafanya. C'est ça le comportement. Jo namna ya kutenda. On a trouvé. Ile walipata. Dans Nimrod. Dani ya Nimrod. C'est vrai frère. Bia kweli ndugu. Les enfants batoto de Cam, ya Cam, parmi l'esprit du diable est passé. Pale kupitia bao roho ya shetani ilipitia. Sont les grands inventeurs de mathématiques. Bao njoba kutunga ma hesabu. Ce sont les enfants de Cam qui ont inventé njoba litunga des chars magari ya vita. Ils sont spécialistes dans les inventions. Boni bajusi mukutunga bitu. Ils ont construit des villes. Balijenga miji mkubwa. Que même aujourd'hui, on n'en trouve pas. Il atta lewa ipatikane tena. Cette Babylone dont nous parlons ici. I Babeli nye tunasemea. Était tellement fortifiée. Ilikuwa yenye kutiwa nguvu zaidi. Dans les murs de 24 mètres. Muma ukuta ya mameta makumi mbili na ine. Au-dessus là, kule juu, les chars pouvaient y passer. Magari ya vita ilikuwa natembea pa mnara ya maukuta. Aujourd'hui, je ne connais aucune ville. Leo hii siona hata muja hata moja. Qui a des murs d'espace. Yenye kuwa na maukuta ya bunene de 24 mètres. Ya mameta makumi mbili na ine ya bunene ya ukuta. Et le char tourné. Na magari ya vita ilikuwa cette ville fortifiée. Ilikuwa natembea pa ile maukuta ile walitia nguvu ya mji. Et dans ce mur là, muile maukuta, il ne pouvait pas se douter de quelque chose. Hawakuwa na shakia kitu hata kimoja. C'est vrai. Ya kweli. Et Babylone se trouvait. Na Babeli ilikuwa napatikana. Entre le fleuve Euphrate. Katikati ya mto Euphrate. Et le Tigre. Na mto Tigre. Le périmètre de Babylone était de 192 kilomètres. Urefu ya ile Babeli ilikuwa ya 192 kilomètres. Les avenues de Babylone étaient de 60 mètres. Ma barabara ya Babeli ilikuwa ya mameta makumi sita. Avez-vous déjà vu eti mwisha onaka des avenues comme ça? Barabara ya mameta makumi sita ya bunene ya meta. C'est devenu le boulevard que nous voyons aujourd'hui. Ima boulevard tu kunaona leo. Ça a commencé depuis longtemps. Il y a ainsi à tangia zamani. Par les enfants le délassement du serpent. Na batoto ya uzao ya nyoka. C'est ainsi. Ni muina mna. Que Babylone a été fondée. Jo Babeli ilijengwa. Il y a eu succession de plusieurs rois. Ulikuwa kufuatana kwa bafalme ba kuachana. Voyez. Unaona? Jusqu'au temps de Nebuchadnezzar. Kufika na mwakati ya utawala ya Nebuchadnezzar. Et après Nebuchadnezzar, il y a eu Belshazzar son fils. Kisha Nebuchadnezzar kulikuwa Belshazzar mtoto wake. Et c'est par Nebuchadnezzar. Ni kupitia Nebuchadnezzar. Que le royaume des nations. Jo ufalme ya mataifa. On commencé. Ilianza. Le royaume des nations. Ma ufalme ya mataifa ingine. Comme nous l'avons lu ici dans Daniel, vile tulisoma mu Danieli, ce temps des nations là a commencé avec le royaume avec Babylone. Ma wakati ya mataifa ilianza na ufalme ya Babeli. De Babylone, Babeli. Et avec précisément le roi Nebuchadnezzar. Kabisa kabisa na mfalme Nebuchadnezzar. Maintenant, regardez dans les Écritures. Lorsque nous prenons Daniel au chapitre 2, Daniel sura ke ya pili. Dans son verset 36, mustari ya makumi tatu na sita, jusqu'au verset 38, na mustari ya makumi tatu na mnane. La Bible dit ceci. Biblia nasema hivi. Voilà le songe. Injondoto inyewe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. C'est Daniel qui dit, qui répond au roi. Ni Daniel una anamwambia mfalme. Tutakupatia mafasilio hii ya hii ndoto anamwonyesha mfalme. O roi. O mfalme. Tu es le roi de roi. Wewe uku mfalme ya bafalme. Parce que Nebuchadnezzar, kwani Nebuchadnezzar avait hérité toutes ces choses de Nimrod. Alirithi hivi vitu vyote kutokea Nimrod. Nimrod qui dominait toute la terre. Nimrod ule alikuwa anatawala ulimwengu mzima. Il n'était pas seulement un roi de rois. Asikuwa tu bule mfalme wa bafalme. Par sa force. Kwa nguvu yake. Nimrod était considéré comme un dieu. Nimrod kwa nguvu yake walikuwa namchukua sawa Mungu. Et tous les gens qui se sont succédés. Wote wale walifuatana dans Babylone. Babeli. Avait le même objectif, balikwana kifukusio kimoja, avait la même pensée, balikwana wazo moja. Pourquoi? Juu ya nini? C'est parce que c'est Satan, wani ni shetani, qui dominait toute la terre, juu alitawala dunia mzima, à travers ce roi, kupitia wale wafalme. Crois bien mes frères, unaona ndugu mpendwa. Après que Satan ait ravi la domination de la terre, kisha kunyanganya entre les mains d'Adam, kisha kunyanganya utawala wa dunia, de sa postérité, mikono ya Adamu na uzao yake, sasa shetani s'était choisi lui-même, alijichagulia ses propres fils, yeye mwenyewe watoto yake, par qui il régnerait, kupitia bao atatawala. Comme Satan est un esprit, na vile shetani ni roho, et qui ne peut pas créer, na hawezi kuumba, il a utilisé maintenant des hommes, alitumikisha watu, pour accomplir ya kutimiza ses objectifs, mabifuku zio yake. C'est vrai frère. Bia kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Bia kweli dada. Regardez tous les pouvoirs. Tazameni mauwezo yote mulimwengu mzima matawala. Quelqu'un devient roi. Wakati mtu anakuwa mfalme. Regardez son comportement. Tazameni namna yake ya kutenda. Il veut toujours se faire adorer. Anapenda kila mara watu bamuabudu. Regardez quand quelqu'un devient président. Wakati mtu anakuwa rais. Même s'il dit par les lèvres. Hata akisema kwa midomo. Qu'il ne le veut pas, mais regardez, l'esprit qui l'anime, il voudra toujours se faire adorer. C'est l'esprit satanique qui règne dans tous les royaumes de la terre. Et ici, Satan avait son siège, ici à Babylone. Babylone, Babeli, a été toujours, il kuwaka kila mara, tangia iko hako iko kila mara, la ville de Satan, inekalaka ni muji ya shetani, de Satan, na kichi ya enzi ya shetani, eti kanisa inafuata, la ville de Satan sur muji la terre, muji ya shetani pa dunia, c'est Babylone, ni Babeli, c'est lui qui l'a fondé, uli yenjo alitunga, mais la ville de Dieu sur la terre, lakini muji ya Mungu pa dunia, ni Yerusalema, voyez, unaona. C'est là où régnait notre grand roi, l'éternel des armées. Mais à Babylone, alakini ku Babeli, ulikuwa ni shetani alikuwa anatawala. C'est vrai. Bia kweli. Tu es le roi des rois. Uko mfalme wa bafalme. Car le Dieu des cieux, kwani Mungu wa mbingu, t'a donné l'empire. Alikupatia ma utawala ma ufalme. L'empire. Manake ufalme wa kutawala. L'empire c'est ufalme. Ufalme wa inchi. Manake ni ufalme wa mainchi mingi. La puissance. Alikupatia uwezo. La force. Nguvu. Et la gloire. Na utukufu. Il a remis entre tes mains. Alikupatia mikono yako. En quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs, banyama ya mpori, et les oiseaux du ciel. Na bandeke za anga. Et il t'a fait dominer sur eux tous. Alikufanya utawale yulu yabo bote. C'est toi qui es la tête d'or. Weye mfalme njo kichwa ya zahabu. C'est lui qui domine. Ni yeye alikuwa anatawala. C'est lui qui régnait. Yeye njo alikuwa anatawala na ongoza. Dieu avait laissé faire. Mungu aliacha tu bifanike vile. Parce que c'était au temps de l'homme. Kwani ilikuwa ni mwakati ya mtu. Satan avait son plan. Shetani alikuwa na mapu yake. Et Dieu aussi avait son plan. Mungu naye alikuwa na mapu yake. Quand nous prenons tukichugua Daniel chapitre 2. Danieli sura ya pili. dans son verset 1 à 45, nous prenons Daniel au chapitre 7, Daniel sura saba, dans son verset 1 à 28, nous prenons Daniel chapitre 8, Daniel sura munane, dans son verset 1 à 27, on a déjà suffisamment parlé sur ce chapitre. Maintenant ici, nous soulevons ce chapitre parce que Dieu nous parle du temps des nations dans ce chapitre que nous venons de citer. Lorsqu'on avait commencé avec la statue de Nebuchadnezzar, nous avons dit que cette statue représentait d'abord Satan. Vous voyez, ça représentait Satan qui devait régner sur toute la terre en quatre phases. C'est Satan qui devait régner sur toute la terre au moyen des quatre royaumes. Et ces quatre royaumes qui auraient la domination sur toute la terre. L'Église est avec moi. C'est ainsi que dans ces royaumes, le temps des nations lui-même a commencé avec le royaume de Babylone, le royaume de Nebuchadnezzar. Vous voyez, mais quand on parle maintenant du salut des nations, nous parlons maintenant du salut des nations. Ça c'est autre chose. Je m'arrête là. Il y a le temps des nations et il y a le temps du salut des nations. Le temps des nations a commencé avec le royaume païen depuis Nebuchadnezzar, le roi du royaume de Babylone, il a commencé à régner depuis l'an 606 avant la naissance de Jésus-Christ. Vous voyez, donc le temps des nations n'a pas commencé avec les régions de Jésus-Christ par l'Égypte, non. Le temps des nations n'a pas commencé avec la mort de Christ au calvaire. Non. Le temps des nations dans lesquels Satan devait régner par quatre royaumes en des temps différents pour dominer toute la terre, ça commence avec Nebuchadnezzar. Mais le salut des nations lui commence avec la mort de Jésus-Christ. Vous voyez, c'est lorsque Christ est venu pour les Juifs, ils rejetèrent leur Messie. C'est à ce moment-là, comme l'apôtre Paul l'a enseigné, Dieu maintenant a jeté les regards sur toutes les nations de la terre afin de choisir un peuple qui portera son nom. Ça c'est pour le salut. L'Église est avec moi. Il ne faut pas qu'il y ait de la confusion là. Donc, et le salut des nations se révèle dans les sept âges de l'Église. En dehors de cet âge de l'Église, il n'y a pas de salut des nations. Vous voyez, au temps de Nebuchadnezzar, Dieu a utilisé Mungu alitumikisha pour punir Israël. Ama wafalme jua kwa pisa Israel. Wani yeye Mungu alikuwa anatumika na Israel. Israel ndio alikuwa taifa yake. Israel ndio alikuwa mtoto yake. Israel ndio alikuwa bibi yake harusi. Unaona ndugu mpendwa. Kwa ajili ya Ibrahim, Isaac, Isaka, Yakobu, de tous fils d'Israël. Na bote watoto wa Israeli. Unaona ndugu mpendwa. Et c'est Dieu à ce temps-là. Ni Mungu mwile wakati. Qui se révèle seulement Israël 1.3. Alikuwa anajifunua tu kwa Israeli kuna malizika. Mataifa mengine hivi. Ne connaissait pas le véritable Dieu. Haikumjua Mungu wa kweli. Mais Dieu les utilisait. Lakini Mungu alikuwa anawatumikisha kwa kuapiza Israeli. Lorsque son fils s'est révolté contre lui. Wakati mtoto wake alikuwa anamkombokea. Lorsque il voulait imiter les nations. Wakati yeye alipenda kufuatilisha mataifa mengine. Sasa Mungu alikuwa anashirika. Et prenait les nations. Na alikuwa anachukua mataifa mengine. Comme un fouet. Kama fimbo. Pour amener Israël. Kwa kurudisha Israeli. Lord dans sa volonté. Mukisari wale mapenzi ya Mungu. Oui bien aimé frère. Dio ndugu mpendwa. Oui bien aimé sœur. Dio dada mpendwa. Je suis obligé de vous abandonner. Nina lazimisha nisimamishe. Parce que le temps est arrivé. Wani wakati inaenea. Tutaendelea kesho. Vous voyez. Munaona? Aujourd'hui comprenez. Leo mwelewe tu que quand Babylone fut fondée. Ya kwamba wakati Babeli balianza. C'est ça la capitale mondiale de Satan. Jo muji nye munene ya ulimwengu mzima ya shetani. Et c'est de là ni kuanzia Babeli que Satan régnait. Jo pale shetani alitawala. Pour dominer toute la terre. Jo kutawala ulimwengu mzima. Et Satan a utilisé des gens. Na shetani alitumikisha watu. Qui avait son esprit en lui. Wale walikuwa na roho yake. Pour accomplir ses plans. Jo kutimiza mapu yake. Et Satan. Na shetani. Le méchant. Mukaidi. L'adversaire de Dieu. Adui wa Mungu. A régné par force. Alitawala kwa nguvu. Par méchanceté. Kupitia ukaidi. En versant le sang, il a dominé sans pitié sur d'autres nations à travers toutes ces nations dans lesquelles Satan habitait. Nimrod, na Nimrod était le premier. Alikuwa wa kwanza. Et il y a eu une succession. Pourquoi ça ça kumfuata kwa mfalme? Jusqu'à Nebuchadnezzar. Fika na kumfalme Nebuchadnezzar. Avec ni kuanzia na mfalme Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar que les royaumes que les temps des nations. Jo manyakati ya mataifa. Ont commencé. Nianza. Pour accomplir. Ya kutimiza. La vision de Nebuchadnezzar de la statue. Oh non, wala ndote Nebuchadnezzar. Et pour accomplir ya kutimiza les visions maono des bêtes que Daniel avait vues. Ya banyama bale Daniel aliona yule ya mataifa. Vous voyez. Unaona. Mais maintenant. Sasa. Le salut des nations. Okovu ya mataifa. Ne les confondez pas. Mushivurudike. Avec le temps des nations. Na manyakati ya mataifa. Le temps des nations a bien commencé. Manyakati ya mataifa ilianza mzuri mbele. Le salut des nations. Mbele ya okovu ya mataifa. Le salut des nations. Okovu ya mataifa. A commencé. Yayo ilianza. Avec la mort na kifo de notre Seigneur Jésus-Christ, Bwana wetu Yesu c'est lorsque Israël, son peuple, wakati Israel, taifa le rejeta. Il mukata. À ce moment-là, mwile wakati sasa, toi et moi, weye na mimi, nous avons trouvé grâce devant le Seigneur. Tupata neema mbele ya Bwana. Nous en parlerons. Tutaisemezea baadaye. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Levons-nous. Tusimame juu ya maombi. Évitez la méchanceté. Mwepuke ukaidi wala rombaya. Et vous remarquez na mutaona que depuis que l'esprit de Lucifer ya kwamba tangia roho ya Lucifer est descendu sur la terre ilishuka pa dunia. Depuis qu'il a commencé avec Caïn, tangi alianza na Kaina, jusque dans la bête, kufika na ndani ya nyama, à la fin, kumwisho kule, lui il régnera toujours, yataendelea kutawala, par force, kwa nguvu, par méchanceté, kwa ukaidi, voyez, munaona, vous le verrez, mutaiona, même lorsque nous arriverons là, hata wakati utafika kule, voyez bien mes frères, munaona ntuku mpendwa, c'est ainsi que vous voyez tous les royaumes, kumana mutaona maufalme yote, qui sont dominés par Satan, yenye kutawaliwa na Shetani, règne seul. Inatawala tu par méchanceté. Kwa ukaidi rombaya. Kama munapata ako si vous avez un peu muntu mzuri wa kumutawala bon nom, ile ni nema ya Mungu. Ça c'est la grâce de Dieu. Mais batawala bote tous les dominateurs tous les rois de la terre ils dirigent toujours par par méchanceté. Atani baba yako anakuwa mfalme. Père qui devient roi. Hata wewe unakuwa mfalme. Si c'est toi qui deviens roi. Yote ya shetani itakuikala na utadirigé avec méchanceté. Va diriger avec ukaidi. C'est là où beaucoup de gens commettent des erreurs. Je parle batu mingi beko na kotola. Ils disent. Na kusema. Ils comparent les nations avec Israël. Wanalinganisha mataifa na Israeli. Les rois d'Israël. Wafalme wa Israeli. Les rois d'Israël. Mufalme wa Israeli. C'était Dieu lui-même. Ah, mufalme wa Israeli alikuwa ni Mungu yeye mwenyewe. En Israël. Mu Israeli. C'était la théocratie. Mulikuwa ni Mungu ndiye alikuwa anatawala. Quand les gens font cette comparaison, ils mentent les gens. Wanalanda, wanalongo parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux. Pour dani. Déceler l'esprit du diable qui agit. Ya kufumbula roho ya shetani yenye kutenda. C'est vrai. Bia kweli. Israël. Israël yeye. Comme l'épouse, l'église. Sawa bibi harusi. L'église aussi kanisa, est un royaume. Kanisa nayo ni ufalme. Vous voyez. Unaona? Et là c'est Christ qui règne. Mule ni Kristo ndio anatawala. Dans notre royaume. Mufalme yetu. Christ règne. Christ anatawala. Par amour. Kwa mapendo. Vous voyez. Unaona? Dans le royaume de Satan. Mufalme wa shetani. Il le méchant règne. Wakaidi. Par la méchanceté. Wanatawala kupitia ukaidi. Ne cherchez pas à voir les gens du monde régner avec amour. Batu ya mudunia batawale na mapendo abikala keko. Ne cherchez pas dans les royautés mufalme du monde ya kidunia qui domine sans sang. Batawale bila kumwanga damu abina to. Il y a un seul royaume. Huko tu ufalme moya. Qui domine sans effusion du sang. Yenye kutawala bila kumwanga damu. Ni paka ufalme ya Kristo tutaiona. Lui-même pour son peuple. Yenye mwenye juu ya taifa yake. Juu ya batu yake. Yeye mwenyewe alimwanga damu yake. Les hommes, awa watu, ce sont les autres. Boni bengine, jo batamwanga damu yabo, jubo batawale. Alakini, Kristo njia kutawala batu yake. Yeye mwenyewe, anamwanga damu yake. Aliziachilia babu uwe, jumwe na mie, tupate kuishi, milele musalama. Voilà l'amour de notre Dieu. Jo mapendo ya Mungu wetu. Fion. Tuombe. Seigneur, merci.